à la radio. Le replay. Exactement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une bonne nuit, il est 6h du mat. Et on est parti ensemble, évidemment, avec le warm-up, les meilleurs moments d'hier dans Mickaël à la radio. C'est jusqu'à 6h30, l'arrivée de Julie, bien sûr, avec les infos. Côté musique, il y aura Mr. You, le colonel Rayel avec Mets-toi à l'aise. On aura aussi la chance d'écouter Sean Paul avec She Doesn't Mind. Et puis on va évidemment écouter les meilleurs moments d'hier. En l'occurrence, le Free Code Game. Nous aurons aussi le petit canular de Toff qui voulait absolument que les gens souhaitent bon anniversaire pour les 20 ans du journal du Hard à l'époque sur Canal+, aujourd'hui sur BTV. Et puis bien évidemment les relous, vous connaissez le principe, numéro qu'on met à votre disposition, le 0473 86 0013. Je propose d'écouter ça maintenant, c'est le meilleur moment des relous dans le warm-up de Mickaël à la radio jusqu'à 6h30. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou, 0473 86 0013. On vous passe les meilleurs messages. Exactement, et c'est tous les matins que ça se passe sur Fun Radio. Ce sont les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, 0473 86 0013. Et puis on va écouter maintenant le premier message. Oui, bonjour Coralie, je voulais juste te souhaiter une bonne journée. On s'est rencontré tout à l'heure. Je te remercie de m'avoir laissé ton numéro, du téléphone. Tu étais très belle aujourd'hui. Ne cache pas que j'ai vraiment fâché sur toi. Ah oui. Mon prénom c'est Raphaël. J'espère que tu m'appelles, ça me fait vraiment très très plaisir. Tu rentres chez moi, je suppose que tu es en train de dormir. À bientôt. Bisous, bisous. Allez, bien relou, hein. J'espère que tu m'appelles. Oui, j'espère que tu m'appelles. Ben non, là, actuellement, je dors. Une conjugaison là-dedans, je ne sais pas. Si, mais enfin, bon, à mon avis, il a dû. Ah, c'est peut-être le frère d'Ophélie, c'est ton frère ? Je ne sais pas. Ah, bah, pourtant, il y a derrière un petit peu de ressemblance, cela dit au passage. Allez, message suivant. Oui, allô, c'est Christophe. Tu peux décrocher, s'il te plaît. Mmh. Je te joins depuis tout à l'heure pour essayer de te trouver et je te trouve pas. Ah oui, tiens. Est-ce que tu peux te rappeler ? Fais-moi un signe pour me dire que je peux te rappeler. Allez, je crois qu'il attendait le signe. Fais-moi un signe, c'est. Je t'ai pas vu tout à l'heure. Ah oui, c'est dommage. Allez, gros bisous. Allez. Le signe. Je t'aime, je t'embrasse très fort. Oh, je t'aime. Oh là, moi ça y est. Aussi, il a achevé. Il a achevé. Il nous a achevé. Là, ça y est, c'est plié. Hey, it's Jared from 30 Seconds to Mars. And the one thing I love about listening to my good friend's show, Michael, on the radio. Mickaël, à la radio. Is that it puts me right to bed. C'est Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Et puis bon réveil. Mickaël à la radio, c'est le replay. On est ensemble jusqu'à 9h30. Et puis l'émission en direct qui démarre évidemment à partir de 6h30. Et puis vous le savez, tous les matins, je vous rembourse vos factures. Cette semaine, facture spéciale solde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous inscrire dès maintenant, d'ailleurs, si vous voulez, pour qu'on vous rembourse 50 euros pour les soldes. Alors, facture que vous avez déjà peut-être des objets que vous avez peut-être déjà achetés ou alors que vous allez acheter justement. Vous envoyez facture tout simplement au 6322 dès maintenant. Vous mettez facture, ensuite vous mettez solde et puis on vous rappelle aux alentours de 7h10 pour vous rembourser vos factures. C'est aussi simple que ça. Nous avons également fait un nouveau jeu, le Free Code Game, que nous allons écouter maintenant. C'est le meilleur moment d'hier, évidemment. Le Free Code Game, c'est maintenant sur Fun Radio. Là aussi, si vous voulez jouer avec nous tout à l'heure, un nouveau Free Code Game pour repartir peut-être avec un écran plat. Inscription au 6322, code FRIT. Bonne chance tout le monde, on écoute le Free Code Game maintenant sur Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Nous allons maintenant jouer au Free Code Game. Pour jouer avec nous, Michael qui est là. Salut Mickaël. Salut. Quel magnifique prénom, tu sais que c'est énorme. Moi si j'ai un gars, je crois que je l'appellerais comme ça. Michael Junior. Oui. Encore des fleurs. Mais oui, Michael Junior, c'est très très beau. Michael. Michael Junior. Tu féliciteras tes parents qui ont très très bon goût. Y a pas de problème. En plus avec un prénom aussi rare, c'est ça qui est beau. Ah oh, bien sûr, il a tellement pas les rues. Bah oui, il est extrêmement rare, je trouve. Bon Michael, t'appelles de Liège, tu as 23 ans. C'est ça, oui. Très bien, et tu vas jouer avec nous au Free Code Game. Le principe du Free Code Game, c'est facile. Tu peux repartir avec jusqu'à un écran plat, faut le savoir. Mais pour ça, il faut que tu choisisses une des quatre séries de questions. Ça va du plus facile à la plus compliquée, évidemment. Mais évidemment, les cadeaux vont du plus petit au plus gros aussi. Donc attention, tu peux choisir petit paquet, donc petit cadeau et question facile. Grand paquet, durum ou alors mitraillette, question plus compliquée. Mais tu peux repartir jusqu'à avec un écran plat. Tu choisis quoi, Mickaël? Je vais prendre le grand paquet. Le grand paquet. Oh oui, chat, tu prends pas trop de risques alors, hein. Non, tu prends pas trop de risques, mais c'est bien. Mickaël, attention, on y va, c'est parti. Tu as donc décidé de prendre le grand paquet, c'est-à-dire les questions pas les plus faciles, mais pas loin quand même. On y va. C'est parti. Voilà, c'est parti. Première question, il faut faire 3 sur 5 pour gagner. Que signifient les initiales SMS? SMS, hein, comme le SMS, quoi, quand on voit un message. Send, message,